Chapitre 3e. Gabriel Ockram était devenu sœur Gabriel après avoir hérité de la baronnie et des débris de la fortune laissée par son père. Evelyn Warburton habitait encore à Ockram Hall, la chambre du midi qui avait toujours été la sienne, du plus loin qu'elle se souvint. Elle ne pouvait s'en aller, car elle n'avait aucun parent qui pût lui offrir l'hospitalité, et d'ailleurs, elle n'avait aucune raison pour ne pas rester au château. Le monde ne se donnait pas la peine de s'inquiéter de ce que les Ockram faisaient sur leur propriété d'Irlande, et il y avait longtemps que les Ockram n'avaient rien demandé au monde. Sœur Gabrielle prit donc la place de son père à la vieille table brune de la salle à manger, et Evelyn s'assit en face de lui jusqu'au temps où, leur deuil fini, ils pourraient enfin se marier. En attendant, leurs existences s'écoulaient comme de coutume. Rien n'était changé, car Sir Hugh avait été malade durant toute la dernière année de sa vie, et ils ne l'avaient vu qu'une fois par jour, pendant un moment, passant la plus grande partie de leur temps ensemble dans une camaraderie intime et très douce. Mais quoique l'été commençât à prendre la teinte sombre de l'automne, et que l'automne se transformât en hiver, que les pluies et les ouragans se succédassent pendant les jours courts et les longues nuits, Ockram Hall semblait moins sombre depuis que Sir Hugh avait été déposé dans le caveau du Nord à côté de son père. À Noël, Evelyn décora le grand vestibule avec du houx et des plantes vertes, et de grands feux flambèrent dans tous les foyers. Puis tous les fermiers furent invités à un dîner du Nouvel An, où ils mangèrent et burent copieusement, pendant que Sir Gabriel se tenait au haut bout de la table. Evelyn entra quand on servit le porto, et le plus estimé des fermiers fit un discours pour proposer de boire à sa santé. « Il y avait longtemps, dit-il, qu'il n'y avait eu de Lady Ockram. » Sir Gabriel mit sa main sur ses yeux et les abaissa sur la table pour dissimuler un léger trouble, tandis qu'une faible rougeur colorait les joues transparentes d'Evelyn. « Mais, ajouta le vieux fermier, il y avait plus longtemps encore qu'il n'y avait eu une Lady Ockram aussi jolie que devait l'être la future épouse de Sir Gabriel. » Il porta la santé d'Evelyn Warburton. Alors tous les fermiers se levèrent et l'acclamèrent. Sir Gabriel se leva aussi et se tint à côté d'Evelyn. Puis, quand les hommes poussèrent une dernière et plus chaleureuse acclamation, une voix la domina, plus élevée, plus violente, plus sonore. Un cri qui n'avait rien d'humain acclama aussi la fiancée d'Ockram Hall. Le houx et les branches vertes placées au-dessus de la grande cheminée furent secouées lentement, comme si une brise glacée venait les agiter. Les convives devinrent très pâles et beaucoup posèrent leurs verres sur la table. D'autres, dans leur effroi, les laissèrent tomber. Et en se regardant les uns les autres, ils souriaient tous étrangement d'un sourire mort, comme celui de feu Sir Hugh. Un être invisible cria en irlandais des mots qui les firent frémir, et la crainte de la mort s'empara subitement d'eux tous, de telle sorte qu'ils s'enfuirent, pris de panique, en tombant les uns sur les autres. Ils se bousculaient comme des bêtes sauvages dans la forêt avant un tremblement de terre. Les tables furent renversées, les verres et les bouteilles cassées, et le vin rouge foncé coula comme du sang sur le plancher ciré. Sir Gabriel et Evelyn restèrent seuls au bout de la table, devant les débris du festin, n'osant pas se retourner, redoutant de se voir, car chacun savait que l'autre souriait. La main serrée énergiquement dans celle de Gabriel, Evelyn s'appuya sur le bras gauche du jeune homme, et ils restèrent tous deux, le regard fixé devant eux, et sans les ombres des cheveux de la jeune fille, on aurait pu distinguer leurs deux visages. Ils écoutèrent longtemps, mais le cri ne se fit plus entendre et le sourire mort disparut de leurs lèvres, tandis que chacun se souvenait que Sir Hugh Ockram gisait dans le caveau du Nord, souriant en son linceul, en des ténèbres épaisses, parce qu'il était mort avec son secret. Ainsi finit le dîner du jour de l'an des fermiers, mais à partir de ce moment, Sir Gabriel devint de plus en plus silencieux, et son visage, encore plus pâle et plus maigre qu'auparavant. Souvent, sans motif et sans rien dire, il se levait de son siège, comme poussé par une force invisible, et il se rendait, par quelque temps qu'il fît, vers le côté nord de la chapelle, et il s'asseyait sur le banc de pierre, en regardant le sol, comme s'il pouvait voir dans le caveau, sous le linceul blanc, le sourire mort qui serait éternel. Toujours, quand il sortait ainsi, Evelyn le suivait, et s'asseyait à côté de lui. Une fois encore, comme dans l'été, leurs beaux visages se rapprochèrent soudain, leurs paupières s'abaissèrent et leurs lèvres rouges se joignirent presque. Mais lorsque leurs yeux se rencontrèrent, ils s'ouvrirent tout grands, de façon que le blanc formait un cercle tout autour du violet foncé. Leurs dents claquèrent, Leurs mains l'une de l'autre étaient comme des mains de cadavres, glacées par la terreur de ce qui était sous leurs pieds et de ce qu'ils devinaient sans le voir. Une fois aussi, Evelyn trouva sœur Gabrielle seule dans la chapelle, debout devant la porte de fer qui conduisait au lieu funèbre. Et il tenait dans sa main la clé de la porte, mais il ne l'avait pas mise dans la serrure. Evelyn l'emmena, toute frissonnante, car elle aussi avait été en proie à des rêves éveillés, au désir aigu de revoir cette terrible chose, de savoir s'il avait changé depuis qu'elle avait été déposée là. « Je deviens fou, » dit sœur Gabrielle, en se couvrant les yeux avec sa main, pendant qu'il s'en allait avec elle. « Je le vois dans mon sommeil, je le vois quand je suis éveillé, il m'attire jour et nuit. Et à moins que je ne le voie, j'en mourrai. » « Je sais, » répondit Evelyn, « je sais. On dirait les fils déroulés par une araignée qui nous attire vers lui. » Elle se tut un moment, puis tressaillit violemment et saisit le bras de sœur Gabrielle avec l'énergie d'un homme en criant plutôt qu'elle ne prononçait « Mais il ne faut pas y aller. Nous ne devons pas y aller. » Les yeux de sœur Gabrielle étaient à moitié fermés et il ne fut pas atteint par l'angoisse de la frayeur d'Evelyn. « Je mourrai si je ne le revois pas, » dit-il d'une voix calme, bien différente en sa tranquillité de celle de la jeune fille. Tout ce jour-là et toute la soirée, il parla à peine, toujours songeur, toujours absorbé, tandis qu'Evelyn Warburton tremblait de la tête aux pieds d'une terreur qu'elle n'avait jamais connue. Elle se rendit seule, par une grise matinée d'hiver, à la chambre de la mère MacDonald dans la tour, et s'assit auprès du grand fauteuil de cuir, en posant sa fine main blanche sur les doigts ridés. « Nourrice, » s'écria-t-elle, « qu'était-ce donc que l'oncle Hugh aurait dû vous dire le soir avant de mourir ? Ce devait être un horrible secret. Et pourtant, quoi que vous le lui demandiez, je sentais en quelque sorte que vous le saviez, et que vous saviez pourquoi il souriait si affreusement. » La tête de la vieille femme oscilla lentement d'une épaule à l'autre. « Je ne puis que conjecturer, je ne saurai jamais, » répondit-elle de sa petite voix cassée. « Mais que devinez-vous ? Qui suis-je ? Pourquoi demandiez-vous qui était mon père ? Vous savez bien que je suis la fille du colonel Warburton. Ma mère était la sœur de Lady Ockram, de sorte que Gabriel et moi, nous sommes cousins. Mon père a été tué en Afghanistan. Quel secret peut-il y avoir là ? Je ne sais pas. Je ne puis que conjecturer. Conjecturer quoi ? Supplia Evelyn, en pressant les mains molles et ridées, en même temps qu'elle se penchait en avant. Mais les paupières de la mère MacDonald s'abaissèrent soudain sur ses étranges yeux bleus, et ses lèvres remuèrent légèrement. Sa respiration ressemblait à celle d'une personne endormie. Evelyn attendit. La servante irlandaise tricotait très vite auprès du feu, et les aiguilles faisaient tic-tac comme trois ou quatre horloges marchant du même mouvement. Et la vraie horloge suspendue au mur faisait solennellement tic-tac, marquant les secondes pour la vieille femme, à qui il ne restait pas beaucoup de jours à vivre. Au dehors, le lierre frappait la fenêtre poussée par la bise d'hiver, comme il avait battu contre la vitre 100 ans auparavant. Alors, pendant qu'Evelyn attendait, elle éprouva de nouveau un horrible désir, le désir maladif d'aller en bas, dans la nuit du caveau du Nord, d'ouvrir le linceul et de voir si la chose terrible avait changé. Elle retint les mains de la mère MacDonald comme pour s'obliger à rester à sa place et combattre l'épouvantable attirance du sourire maudit. Mais le vieux charroux qui réchauffait les pieds de la mère MacDonald, toujours couché sur le tabouret, se leva, se détira, et regarda fixement Evelyn, le dos arqué, la queue gonflée et hérissée, ses vilaines lèvres roses laissant voir ses dents pointues en une grimace diabolique. Evelyn tressaillit, à demi fascinée par sa laideur. Puis l'animal avança soudain une patte dont toutes les griffes sortaient et cracha devant la jeune fille. Et tout à coup, ce chat grimaçant parut ressembler au cadavre qui souriait en bas dans le caveau, de sorte qu'Evelyn fut glacée de frayeur et couvrit ses lèvres de sa main libre, de peur que la mère MacDonald ne s'éveillât et n'y vit le sourire mort, car elle sentait qu'il pouvait y être. La vieille femme rouvrait déjà les yeux et touchait son chat du bout de sa béquille. Là-dessus, son dos se rabaissa, sa queue se dégonfla, et il revint à sa place sur le tabouret. Mais ses yeux jaunes regardaient toujours Evelyn de travers entre les fentes de ses paupières. « Qu'avez-vous donc deviné, nourrice ?» demanda encore la jeune fille. « Une mauvaise chose. » Une vilaine chose, mais je n'ose pas vous la dire, de peur qu'elle ne soit vraie, et la pensée seule briserait votre vie. Car si je devinais juste, il ne voulait pas que vous sachiez, afin que vous vous mariez et que vos âmes payent pour ces vieux péchés. Il nous disait toujours que nous ne devions pas nous marier. Oui, il vous le disait peut-être, mais c'était comme si quelqu'un mettait de la viande empoisonnée et disait « Ne mange pas !» Mais ne levez pas la main pour enlever la viande. Il vous disait que vous ne deviez pas vous marier, mais il espérait que vous le feriez quand même, car de tous les hommes vivants ou morts, Sir Hugh Gokram a été le plus faux, le menteur le plus lâche et le plus cruel, qui se soit jamais trouvé sur le chemin d'une femme. Il fut le pire de ceux qui aimaient le péché. « Mais Gabriel et moi, nous nous aimons, » dit Evelyne très tristement. Les yeux de la mère MacDonald regardèrent dans un lointain vague des spectacles vus longtemps auparavant et qui s'élevaient dans l'air gris d'hiver autour des brumes de sa jeunesse. « Si vous vous aimez, vous pouvez mourir ensemble, » dit-elle très lentement. « Pourquoi vivriez-vous, si ce que je crois est vrai ? J'ai 100 ans. Qu'est-ce que la vie m'a donné ? Le commencement est un feu, la fin un tas de cendres, et entre la fin et le commencement se trouvent toutes les souffrances du monde. Laissez-moi dormir, puisque je ne puis mourir. » Alors les yeux de la vieille femme se refermèrent et sa tête retomba un peu plus bas sur sa poitrine. Evelyne sortit donc et la laissa avec le chat endormi sur le tabouret de laine, et la jeune fille s'efforça d'oublier les paroles de la mère MacDonald, mais elle ne le put. Elle les entendait sans cesse dans la brise et derrière elle en descendant l'escalier. Et à mesure qu'elle se sentait plus malade de frayeur à la pensée de l'effroyable secret auquel son âme était liée, une force physique s'emparait d'elle, la poussait, la forçait d'avancer, et de l'autre côté, elle sentait les fils qui la tiraient mystérieusement. Et en fermant les yeux, elle voyait dans la chapelle, derrière l'autel, la porte de fer si basse par laquelle elle devait passer pour aller où elle ne voulait pas aller. La nuit, étant éveillée, elle attirait le drap sur son visage, de peur de voir l'ombre sur le mur, lui faisant signe de se lever. Son souffle même faisait un bruit effrayant à ses oreilles. En même temps, elle se cramponnait au matelas pour s'empêcher de sortir de son lit et d'aller à la chapelle. La tentation était d'autant plus forte qu'on pouvait sortir de la maison par la bibliothèque dont la porte n'était jamais fermée à clé. C'était terriblement facile d'allumer sa bougie et de traverser doucement la maison endormie. La clé du caveau était sous l'autel, derrière une pierre qui tournait. Elle connaissait le secret, elle pouvait s'y rendre seule et voir. Mais quand elle y pensa, elle sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Elle frissonna d'abord tellement que le lit en fut secoué, puis l'horreur parcourut tout son corps comme un frisson glacial, semblable à celui de l'agonie. On eût dit que des myriades d'aiguilles de glace pénétraient dans sa chair et dans ses nerfs.